Vendredi le 15 juillet, il est 12h30, voici vos informations. D'abord en France, l'enquête s'amorce pour déterminer les circonstances entourant l'attentat de Nice. Le dernier bilan établi dans la dernière heure fait état de 84 personnes décédées, dont 10 enfants et adolescents. Plus de 200 personnes ont été blessées, une cinquantaine se trouvant entre la vie et la mort présentement. Aucun Canadien ne figure parmi les victimes jusqu'à présent. Le président François Hollande s'est rendu à Nice ce matin où il a annoncé la prolongation de l'état d'urgence. Rappelons qu'un homme au volant d'un camion a foncé hier soir sur une foule réunie pour la fête nationale de la France. L'auteur de l'attaque est un franco-tunisien de 31 ans, marié et père de famille. Il n'était pas connu des services de renseignement français. Son ex-épouse a été interpellée par la police ce matin. L'enquête qui devra déterminer notamment si l'auteur de l'attaque a reçu l'aide de complices et s'il est en lien avec des organisations terroristes. Si le mode opératoire ressemble à celui utilisé par les groupes djihadistes, l'appartenance du suspect à un groupe terroriste n'a pas été établi. Les autorités vont devoir déterminer aussi si les effectifs policiers étaient suffisants pour cet événement hier soir pour la fête nationale à Nice. À Québec, les réactions de solidarité ont été immédiates après l'attentat de Nice. Le maire Régis Labeaume a présenté son soutien aux Français et évoqué une folie destructrice. Le drapeau français est en berne aux hôtels de ville de Québec et de Lévis, de même qu'à l'Assemblée nationale. Une vigile aura lieu demain à 11h au consulat général de France sur Grande Allée. Restons sur la scène régionale. Le 49e Festival d'été a vendu la totalité de ses 133 000 laissés-passer. Le Festival de Québec affiche donc complet alors que s'amorce la dernière fin de semaine de l'événement. Cette année, l'organisation avait choisi de mettre moins de laissés-passer en vente pour offrir plus d'espace aux festivaliers. Rappelons que les prochaines soirées risquent d'être occupées sur les plaines avec les concerts attendus de Duran Duran ce soir, des Red Hot Chili Peppers demain, ainsi que de Rammstein dimanche. En terminant, les maires de Québec et de Lévis s'inquiètent de la salinité du fleuve Saint-Laurent où se trouvent trois prises d'eau potable. Un contrat de 300 000 $ a été octroyé par la communauté métropolitaine de Québec, un consortium scientifique pour qu'il se penche sur le fond salin du fleuve. Avec le réchauffement climatique, les maires craignent que l'eau salée n'atteigne les deux prises d'eau potable de Lévis et celle de Québec, le point où l'eau salée et l'eau douce se mélangent, se situant actuellement à la pointe est de l'île d'Orléans. À CKR, c'était Dominique Lelièvre pour les actualités.